cette immense espace de fil de dehors. Il faut une musique. Oh, oui, fraise de mes pensées. Te voilà à nouveau devant pour palabrer. Le tournant de la scène est là pour toi, ma passion. Tous mes regards sont sur toi sans pression. Tout ce chemin pour en arriver là et sans s'asseoir jusqu'ici, tout va bien. Mes yeux se mettent à revoir, mes oreilles.